l'air à ton amour, on t'a ravir. C'est vous, dont la main criminelle à ton amour, on t'a ravir. Vous avez pu voir sans prévenir, ses pleurs, sa douleur, sa cervelle, ingrat, je devrais vous haïr, je devrais vous haïr. Si pourtant, malgré ses alarmes, malgré ses affreux souvenirs, I'm